Les terribles larmes de Johnny Hallyday, 3 jours avant sa mort, j'ai peur, je ne veux pas mourir. De son vivant, Johnny Hallyday n'a jamais caché appréhender le moment de sa mort. En 2007 déjà, dans le titre Vos Madame, il demandait à la faucheuse de repasser le voir plus tard, estimant qu'il était encore trop tôt pour leur dernier rendez-vous. Comme pour respecter le choix du rocker, la mort a donc attendu 10 ans avant de croiser à nouveau le chemin de Johnny Hallyday. Cette fois-ci, il l'a vu venir, se sachant déjà touché par un cancer au poumon. Selon le magazine Paris Match, qui publie aujourd'hui un numéro spécial dédié à l'idole des jeunes, l'époux de Laetitia Hallyday aurait été pris d'anxiété à l'idée de quitter ce monde. Le 12 novembre, hospitalisé en urgence dans une clinique parisienne suite à une détresse respiratoire, Johnny Hallyday prend peu à peu conscience qu'il vit peut-être là ses derniers jours. Selon Paris Match, c'est le début de la fin pour le rocker. C'est alors que, pris de panique à l'idée de quitter ses proches à tout jamais, le père de famille lâche ce qu'il a sur le cœur. J'ai peur, je ne veux pas mourir. Un appel au secours qui lance les yeux remplis de larmes. Le magazine précise alors que, sous le coup de l'émotion, Johnny Hallyday se met à suffoquer. Il faut lui ôter l'eau qui remplit ses poumons et le mettre sous assistance respiratoire, précise ensuite l'hebdomadaire. Entre son état de santé et les conseils des médecins, Johnny Hallyday prend conscience que la fin est proche. Un de ses derniers souhaits est de rentrer chez lui, dans sa maison de Marne-la-Coquette. Sa femme, Laetitia, réalise ce rêve. Elle s'arrange pour que son époux soit traité à domicile et qu'il puisse passer ses dernières semaines dans un lieu familier, entouré de sa famille et de ses proches. Le rocker de 74 ans aura ainsi l'opportunité de recevoir beaucoup de ses grands amis dans les 2 dernières semaines de sa vie. Johnny Hallyday s'est finalement éteint dans la nuit du 5 au 6 décembre, loin des chambres aseptisées de l'hôpital, entouré par les personnes qu'il aimait le plus au monde. Et voilà, après avoir suivi ce reportage déjà Paris Match, qui est un journal respecté dans la région, dans le pays, qui aurait diffusé ces informations selon ce qui est dit dans cette vidéo. Les terribles larmes de Johnny Hallyday, 3 jours avant sa mort. J'ai peur. Ainsi s'achève une vie. La Bible, qui est la parole de Dieu, déclare, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Puisque tu n'as pas été jugé dès les premiers jours quand tu étais encore en vie. Le jugement ici, c'est lancer un coup d'œil dans ta vie pour savoir si vous êtes sauvé. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous met en garde à propos de la vie, le don de la vie qu'il a fait aux êtres humains. Et ce don de la vie fait aux êtres humains est décrit comme le résultat d'un acte particulier de Dieu, distinct de celui qui a consisté à créer tous les autres êtres vivants, les animaux, les poissons et autres. Le Seigneur a donné la vie et la respiration au premier homme de façon spéciale. La vie humaine est donc supérieure à différente et différente de toutes les autres formes de vie. Il existe donc une relation unique entre la vie divine et la vie humaine. C'est pourquoi la Bible considère l'être humain qui n'est pas encore régénéré, qui n'est pas encore sauvé, comme un être qu'il appelle l'homme animal. L'homme animal a donc peur de mourir. Pourquoi? Parce que, ne sachant pas où il va passer l'éternité. Et surtout, lorsqu'on a été trompé par Satan, à plusieurs reprises, à longueur de journée, durant toute ton existence, on s'est laissé tromper par Satan, qui offre des biens matériels mensongers pour détourner l'homme de la voie que Dieu lui propose, la voie du salut. La Bible, qui est la parole de Dieu, précise que Dieu est la source suprême de la vie humaine. Mais Satan, l'usurpateur, le menteur, est venu depuis le jardin d'Éden, au chapitre 2, verset, le livre de Genèse, chapitre 2, verset 8, un jardin en Éden, du côté de l'Orient, ce jardin qui était situé près de la plaine fluviale du Tigre et de l'Euphrate. Certaines personnes, certains chercheurs le situent au sud de l'Irak moderne aujourd'hui. D'autres soutiennent que le récit biblique ne nous fournit pas suffisamment d'informations à ce sujet. Et Dieu parle aussi de l'arbre de la vie. Il y avait dans ce jardin d'autres arbres. Et aussi deux arbres qui avaient une importance tout à fait particulière. L'objectif de l'arbre de la vie était probablement de rendre la mort physique impossible. Il est associé à la vie éternelle, au verset 3, chapitre 3, verset 22, du même livre de Genèse. Le peuple de Dieu aura accès à l'arbre de vie seulement après la descente de Jésus-Christ, et cela s'est effectué depuis 2000 ans aujourd'hui. Et quand vous recevez Jésus comme votre sauveur personnel, vous ne pouvez plus avoir peur de la mort. Vous venez de manger le fruit de l'arbre de la vie. C'est lui la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La Bible dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Il le plaça dans le jardin d'Éden. À cette époque, Adam, le premier homme, était saint, sans péché et en parfaite communion avec Dieu. Il était l'apogée de la création de Dieu, qui sous la direction de Dieu, lui avait donné la responsabilité de travailler et de prendre soin du reste de la création. Qui donne la responsabilité de travailler, c'est Dieu. Mais en donnant la responsabilité à l'homme de travailler, il voulait en même temps conduire l'homme, parler à l'homme, l'enseigner. L'homme devait toujours avoir une relation particulière avec lui. Et cette relation était conditionnée sur cette injonction qui avait été donnée. Parce que Dieu voulait éprouver l'homme. Il ne viole pas la conscience de qui que ce soit. Il te laisse le libre arbitre de faire ton choix. Johnny Hallyday a fait son choix quand il était sur la terre. Mais à la fin de sa vie, il a pris peur, il a compris. Peut-être qu'il était sur un mauvais chemin. Et c'est pourquoi il a eu peur de mourir. Et pourquoi il a donc eu peur de mourir? Ça veut dire à la dernière minute, il a compris que ce n'était pas le chemin du ciel qu'il avait choisi, parce que tout homme est appelé à mourir. Mais alors, nous préparons notre destination finale quand nous sommes encore en vie. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dès le début de l'histoire, la race humaine a été liée à Dieu par la foi et l'obéissance, à sa parole bien sûr, en tant que véritable absolu. Cette parole qui est véritable et absolue, la vie par la foi et l'obéissance est présenté comme le principe essentiel des relations entre Adam et Dieu en Éden, dans ce beau jardin. Adam avait été prévenu que s'il transgressait la volonté de Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait. C'est le verset 17 qui le dit. Cette menace de mort devait être acceptée par la foi selon ce que Dieu avait dit, car Adam ne savait pas encore ce qu'était la mort. Alors, la mort s'est manifestée. Premièrement, d'une manière spirituelle, la séparation de Dieu et de cette créature, l'homme. C'était donc la mort spirituelle, selon Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1er. Lorsque l'on parle de la mort, beaucoup pensent toujours à la mort physique, où l'esprit humain quitte le corps physique. Au chapitre 2, selon Éphésiens, chapitre 2, justement à partir du premier verset, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, nous étions par nature? Où est-ce qu'on a puisé cette nature? Quand nous allons dans le livre de Jean, chapitre, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36, il est écrit, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. C'est lui qui ne croit point, la colère de Dieu demeure sur lui. Nous rencontrons une fois de plus le mot colère, les enfants de colère, Éphésiens chapitre 2. Il précise, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère, c'est le verset 3, comme les autres. Pourquoi cette différence comme les autres? Et à quel niveau la colère de Dieu s'est manifestée? Sur tous les êtres humains, jusqu'à moi qui vous parle, jusqu'à toi qui m'écoute, qui regarde cette vidéo, jusqu'à Johnny Hallyday qui est sur cette vidéo. À quel moment la colère de Dieu s'est manifestée, s'est abattue sur lui? Est-ce parce que Johnny avait donc peut-être adoré le diable parce qu'il voulait être célèbre? Il le dit lui-même dans ses vidéos, c'est pas moi qui invente. Si vous regardez les autres vidéos, il a fait des pactes avec Satan. Il le dit verbalement. Est-ce que c'est pour cela que la colère de Dieu s'est abattue sur lui? Non. Il avait déjà cette nature pécheresse. Il avait déjà cette condamnation. Le jour qu'il est entré dans le ventre de sa mère, avant la naissance, il a hérité cette condamnation qui venait d'Adam. Et comment cette condamnation s'est manifestée dans sa vie? Et comment cette condamnation est entrée dans la vie du premier homme qu'on appelle Adam? Lorsque Dieu a donné le commandement, dans le chapitre 2, verset 16, au chapitre 3, verset 16 à 17, le commandement de Dieu, chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset 16 à 17, a été donné à Adam comme un test moral. Il devait à présent choisir consciemment et délibérément de croire et d'obéir ou de ne pas croire, ou de désobéir à la volonté de son Créateur. Nous avons aussi les mêmes instructions aujourd'hui. Croire ici, c'est être sauvé. Et pourquoi il faut être sauvé? Tant qu'Adam croirait à la parole de Dieu et lui obéirait, il continuerait à jouir de la vie éternelle et de la communion bénie avec Dieu. S'il péchait en choisissant la désobéissance comme ce qui s'est produit, il connaîtrait le désastre moral et moissonnerait aussi la mort. D'abord la mort spirituelle, comme Éphésiens le disait, au chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 3, qu'on a lu tout à l'heure, dans la séparation avec Dieu. Et c'est ainsi que Selon la parole de Dieu, au chapitre 3, le serpent dans cet épisode, le serpent a attaqué Dieu au travers de sa création. Genèse chapitre 3, verset 1er, jusqu'au verset peut-être 15, c'est là où tout a basculé. Tout a basculé. Le serpent a attaqué Dieu au travers de sa création. Il a affirmé que ce que Dieu avait dit à Adam n'était pas vrai. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Tu ne mangeras point. C'était le commandement. Et si tu manges, tu vas mourir. Il a fini ce serpent, le diable, donc a fini par pousser Adam, par pousser Dieu à maudire sa création, y compris l'espèce humaine que Dieu avait faite à son image. Dieu va maudire l'homme parce que Adam avait désobéi. Ce que Dieu l'avait dit, il n'a pas écouté. Le serpent, Dieu, il dit à la femme, qui le serpent? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Là, il vient d'attaquer la parole, comme il le fait aujourd'hui. Et le serpent est identifié par la suite à Satan, ou le diable, selon Apocalypse chapitre 12, verset 9. Chapitre 20, verset 2, toujours Apocalypse chapitre 20, verset 2. Il est évident que Satan a pris le contrôle dans son œuvre de tentation. Quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, le chapitre 14 aussi, et vous pouvez aussi lire Matthieu chapitre 4, verset 10, lorsqu'il s'est adressé à Jésus-Christ lui-même. Matthieu chapitre 4, verset 10. Et si vous lisez à partir du premier verset, vous allez comprendre. Il a tenté Jésus, il a proposé les mêmes choses à Jésus, la gloire, les richesses. Et c'est ce qu'il fait avec les vedettes, avec les stars, avec tout le monde, tous ceux qui veulent absolument être grands, être connus, comme ce qui s'est passé dans la vie d'eux. L'homme qu'on appelle donc Johnny Hallyday. Satan dit, vous ne mourrez point. La race humaine est liée à Dieu par la foi en sa parole, qui est la vérité absolue. Satan le savait. Et c'est pour cela qu'il a essayé de détruire la foi de la femme en ce que Dieu avait dit en la faisant douter de cette parole. Satan a suggéré que Dieu ne pensait pas vraiment ce qu'il disait et qu'il ne le ferait point. Et qu'il est même menteur. En d'autres termes, le premier mensonge proposé par Satan était une forme d'antinomisme qui niait la sentence, comme on entend beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'églises, beaucoup de religions qui disent que l'enfer n'existe pas. Satan a nié la sentence de la mort prononcée par Dieu. Et dans beaucoup de cercles mystiques, des sectes pernicieuses, ils vous disent que vous allez revenir sous une autre forme. Il parle de la réincarnation. C'est toujours les attaques de Satan contre la parole de Dieu. D'autres mêmes prédicateurs ne pensent même pas que l'enfer existe. Vous pensez que c'est pour rien que Johnny Hallyday avait peur de mourir? Non. Il savait déjà la destination finale. Qu'est-ce qu'il attendait? Je reviens sur mes mots. Pas par rapport aux œuvres qu'il avait posées, aux actes qu'il avait posés. Il avait une nature. Une nature de condamnation, une nature de colère de Dieu, qui n'avait jamais été détruite dans sa vie. Pourquoi? Parce que Satan avait caché cette parole que nous sommes en train de vous donner, cette révélation. Il a caché la sentence de la mort prononcée par Dieu sur la pratique du péché et de l'apostasie. Satan a caché ça aux yeux d'Ève et de son mari. Ils ont péché. L'un des péchés fondamentaux de l'humanité consiste à refuser de croire la parole de Dieu. Cela revient à croire que d'une certaine manière, Dieu ne pense pas vraiment ce qu'il dit concernant le salut. Alors, le mot salut. Lorsque Adam a péché, Il est sorti. Il a péché poussé par la convoitise. Vous serez comme des dieux. Qui parle? Satan toujours. Dès l'origine de la race humaine, Satan a tenté de faire croire aux hommes qu'ils pouvaient être comme Dieu et décider par eux-mêmes de ce qui est bien ou mal. Ici, à ce niveau, Johnny Hallyday ne pouvait plus décider dans sa vie. Il prendra la résolution, lui. C'est arrivé à l'hôpital qu'il a compris que c'était la fin de sa vie. Mais il ne pouvait plus décider s'il va continuer à vivre, s'il va continuer à grincer la guitare, s'il va continuer à chanter et même jusqu'à blasphémer. Quand il avait la forme physique, l'intelligence, la force physique, il sautait, il dandinait sur l'estrade. Il pouvait décider ce qu'il ferait demain. Mais à ce niveau, selon Ecclésiaste, chapitre 12. Écoutez, à ce niveau, ce monsieur ne pouvait plus. Tout était devenu difficile à ses yeux. Il ne pouvait pas. Et pourtant, il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Qui a compté autant de millions? J'ai dit, qui a compté autant de millions d'euros, autant de gloire? On a vu lorsque ce monsieur a rendu l'âme, comment le monde entier a été secoué. Qu'est-ce qu'on n'a pas chanté comme louange pour lui? J'ai dit, qu'est-ce qu'on n'a pas chanté comme louange pour lui? On a tout entendu. Mais ceux qui chantaient les louanges étaient incapables de lui donner la vie. Vous allez vendre votre vie parce que vous voulez la gloire. Mais quand le jour J arrivera, vous serez le seul à se présenter devant celui que vous avez créé pour lui rendre compte de ce que vous avez fait. De ce don, c'est un don, la vie. Et quand vous avez encore ce souffle de vie, vous pouvez insulter tous les prédicateurs, les critiquer, les appeler des escrocs, raconter tout ce que vous voulez. Mais un jour, vous allez rendre compte quand la force physique, quand la force mentale, quand la force intellectuelle va vous quitter. Quand, selon Ecclésiaste, chapitre 12, précise, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'horreur sont vanité. La jeunesse et l'horreur sont vanité. Oh, je suis jeune. Je m'en fous, je suis jeune, je dois jouir, je dois jouer ma vie. Il dit au verset 3, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Là, Johnny Hallyday était déjà, effectivement, il avait déjà atteint ce point-là. On pouvait déposer les milliards d'euros sur le bras droit et même sur le bras gauche. Mais Hallyday n'avait plus aucun plaisir de compter un héros. Je précise, aucun plaisir de compter un héros. Aucun plaisir. Nous allons de nouveau l'écouter. De son vivant, Johnny Hallyday n'a jamais caché appréhender le moment de sa mort. En 2007 déjà, dans le titre « Vos madames », il demandait à la faucheuse de repasser le voir plus tard, estimant qu'il était encore trop tôt pour « leur dernier rendez-vous ». Comme pour respecter le... Il disait à la mort de repasser le voie plus tard, que c'était encore trop tôt, de partir. Là, il avait encore toutes les forces, toute l'énergie. Comme la plupart parmi nous, peut-être on est jeune, on est en bonne santé, on peut insulter, critiquer, dire des choses, insulter les prédicateurs, faire des commentaires blasphématoires, parce qu'on a encore l'énergie. On pouvait dire à Johnny d'écrire ce jour-là. Il n'avait plus le moindre plaisir. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ce souvenir dans la Bible implique toujours une action. Lorsque, par exemple, Dieu se souvient d'Abraham, Genèse chapitre 19, verset 29, il intervint dans sa vie pour lui faire du bien. Ainsi, le fait de nous souvenir de notre Créateur sous-entend que nous agissons de la façon qu'il avait prévue pour nous lorsqu'il nous a créés. Il nous a donné la vie et des aptitudes qui vont de pair avec la jeunesse. Nous ne pouvons nous souvenir de Dieu que grâce à l'aide du Saint-Esprit qui nous donne de revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 24. Ça veut dire qu'on doit naître de nouveau. Et nous devons faire cela avant que ne vienne la mort. Parce que on peut entraîner ton pauvre corps dans une église, comme ce qui s'est passé avec Johnny Hallyday. On a amené son corps devant les hautes personnalités, commençant par le chef de l'État de ce pays, la France, et d'autres grandes personnalités. L'armée de France. Les personnalités de France ne pouvaient pas dire à Dieu, pouvaient pas du tout dire à Dieu, renvoie l'esprit et l'âme de Johnny dans son corps. On a encore besoin de lui. Les larmes de qui que ce soit ne pouvaient pas toucher le cœur de Dieu, car la sentence, il avait déjà pris son bic rouge pour rayer son nom sur la terre des vivants. Mon nom sera rayé un jour. Ton nom sera rayé un jour. Mais la destination finale, est-ce que lorsque tu étais jeune, tu es donné de nouveau? Souviens-toi, ça veut dire il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance implique. La nouvelle naissance, ça veut dire la démolition de cette inimitié, de cette colère de Dieu héréditaire qu'on appelle le péché originel. Parce que lorsqu'on parle du péché dans la Bible, les gens tournent leurs yeux seulement sur la pratique du péché personnel. Que je suis en train de commettre le péché. Moi, j'ai entendu des gens qui disaient, oh oui, le voleur ira en enfer. Toi, tu ne voles pas, tu iras dans le même enfer. D'autres disaient, tous les homosexuels iront en enfer. Toi qui n'es pas un homosexuel, tu iras dans le même enfer. D'autres disaient, tous ceux qui blasphèment, pas blasphémer, oui, blasphémer si tu es enfant de Dieu ou pas, si tu as déjà blasphémé, tu iras en enfer. Il n'y a même pas à dire. Mais tous les péchés, l'adultère, la fornication, et autres, tout ce monde-là iront en enfer. Ils iront tous en enfer. Si tu n'es pas d'abord sauvé de la présence du péché originel, ce qui s'est produit dans le jardin d'Éden, cet héritage satanique et démoniaque doit quitter ton corps. Et pour que ça quitte ton corps, Dieu exige que tu acceptes son plan de salut établi depuis longtemps. Et son plan de salut ne passe pas par un prophète. Passe par un sauveur. Il est différent des autres prophètes. Ne passe pas par une religion. Passe par un sauveur. Jésus est différent des prophètes. Que ce soit de l'Ancien Testament, que ce soit du Nouveau Testament, que ce soit des autres religions. Parce qu'il est le sauveur. Tant que tu es encore en vie, donc tu dois d'abord l'accepter en écoutant l'évangile. Pourquoi tu dois l'accepter? Parce que tu es né. Étant mort spirituellement, selon Éphésiens chapitre 2, nous étions morts par nos offenses. Nous étions par rapport au péché originel. Donc vous ne pouvez pas, comme il dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. C'est pas seulement que je crois en Dieu, non. Ce verset a été très mal interprété. Mais Souvenir, ici, ça veut dire rappelle-toi que tu as été créé par Dieu et que Dieu a proposé un plan de salut. Dieu a tant aimé le monde, Jean chapitre 3, verset 16. Il a donné son fils afin que celui qui croit ait la vie éternelle. On ne croit pas pendant que tu es en train de mourir et puis tu crois ou bien on verse quelques gouttes d'eau sur ta tête comme ce que la religion catholique enseigne. Cette religion a envoyé des milliards de personnes en enfer. C'est pas parce que tu as reçu deux gouttes d'eau, car le baptême ne peut pas enlever les souillures du corps, s'il vous plaît. C'est un mensonge de Satan. Selon le livre de 1 Pierre, ça ne peut pas enlever les souillures du corps, chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3. À partir du verset, il dit quoi? Verset 21. Au verset 21, que nous allons lire, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Qui est à la droite de Dieu? Donnez-moi le nom de notre prophète qui est à la droite de Dieu. C'est pas ça qui sauve, premièrement. Mais donnez-moi le nom de notre prophète qui est né dans cette société, dans cette humanité, depuis la création jusqu'à nos jours, sans un père biologique terrestre, sans la pollution adamique dans le sang, qui est né par la puissance, je ne parle pas des manipulations scientifiques, même jusque là, il faut toujours utiliser la semence de l'homme et de la femme, et de l'utérus de la femme. Mais je parle sans toutefois utiliser ces choses. Montrez-moi une seule personne. Je lance un défi à la science de nous fabriquer un sang qui n'a pas de péché. J'ai appris qu'ils sont en train de vouloir fabriquer le sang humain. Ça, c'est des mensonges sataniques, démoniaques. Rien à voir. Le sang de tout être humain a été pollué par le sang adamique. Donc, il faut que ton sang soit lavé par les éléments de la même nature, le même sang, un sang qui n'a pas de péché, qui n'a pas de malédiction adamique. Où est-ce qu'on va trouver ça? Même le sang des animaux a reçu la malédiction adamique. Parce que le jour que Dieu a créé Adam, les animaux aussi ont avaient déjà été créés. Donc quand Dieu maudissait l'homme, il a maudit aussi la terre avec tout ce qu'elle renferme. Donc ça veut dire que le sang d'un animal, les écorces, les feuilles des arbres ne peuvent jamais laver la malchance sur vous, ni laver un péché, ni purifier. C'est pourquoi l'eau du baptême atteste la parole de Dieu, ne peut pas laver les souillures du corps. Les premières souillures du corps, c'est d'abord le péché originel. Deuxième, troisième, ce sont les péchés héréditaires, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Alors, troisième souillure du corps, c'est nos propres péchés. Aucune goutte d'eau dans toute l'humanité ne peut jamais laver votre corps de la présence du péché, que ce soit personnel, héréditaire ou originel. Il faut passer par le sang de Jésus. Pourquoi le sang de Jésus? Parce qu'il est le seul qui est né sans avoir le péché originel ni les malédictions originelles dans son sang. Il a vécu sans commettre de péché. Lui, Jésus. C'est un sang pareil qui pouvait nous délivrer du péché originel. C'est pourquoi la Bible précise, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur avant le baptême, tu te répands en identifiant la présence du péché originel dans ton sang. Dès que tu identifies la présence du péché originel dans ton corps et tu reconnais que tu es mort spirituellement, donc tu es séparé de Dieu et qu'aucune religion, mais les religions sont venues tromper les gens, vous faisant croire que ces religions vous mettent en contact avec Dieu. Jamais. Dieu ne passe pas par n'importe quelle religion dans le monde. Il faut au préalable que l'homme soit sauvé avant d'être visible aux yeux de Dieu, avant que sa voix ne soit entendu au ciel, avant que cette personne ne puisse entrer au ciel. L'apôtre Pierre, reconnaît que David même n'était pas entré au ciel. Dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, David n'était pas encore entré au ciel. Est-ce que vous savez que c'est par Jésus que David est entré au ciel? Parce que Jésus dit, à part celui qui est monté, celui qui est descendu, personne n'est monté. Personne, à part celui qui est descendu, personne n'est monté. Dans tout l'univers, tous ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament étaient gardés dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham n'était pas le ciel. Et c'est pourquoi la Bible précise que lors de la résurrection, la mort, pendant 3 jours, Jésus-Christ a fait dans la tombe, il allait prêcher aux esprits qui étaient en prison. De quelle prison il s'agit? Savez-vous que Jésus est descendu? Il est allé souffrir. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix. C'est pas seulement des maladies. Quand tu veux être guéri, tu commences à confesser ce verset, Isaïe 53, tu as pris nos maladies, tu as pris nos souffrances. Ça ne s'arrête pas à ce niveau. Il est descendu aux enfers, Jésus de Nazareth. Il est descendu aux enfers. Christ aussi, la Bible dit, 1 Pierre chapitre 3 verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, virgule. Ça veut dire la phrase contenue. Qui autrefois avaient été incrédules, même lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, depuis Adam. Adam était incrédule. Au jour de Noé, c'est la même chose. Jusqu'à ce que Jésus arrive dans le monde. Noé lui-même, il a été sauvé par le déluge, physiquement. Mais spirituellement, il n'était pas sauvé. Parce qu'on a vu le péché se manifester dans la vie de Noé. Il va cultiver un champ et puis il va fabriquer l'alcool. Frelaté, et qu'est-ce qu'il fait? Il boit cet alcool, il expose la nudité. Ce ne sont pas des péchés. Il a eu des rapports avec ses propres filles, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des péchés. Et ce péché était condamné dans la chair, dans le sang de Noé, malgré qu'il fût sauvé par le déluge. Mais le péché était dans son sang. Ses enfants aussi, les péchés étaient dans son sang. Et c'est pourquoi cette génération aussi a recommencé à commettre plus graves péchés encore. Voyons un peu. Donc, l'attitude de Johnny n'est pas à blâmer parce que tout le monde est passé par là, par le péché originel. Il faut qu'il soit sauvé. Mais comment il peut être sauvé s'il n'y a personne qui prêche? La religion n'est pas venue pour prêcher. La religion est venue seulement enregistrer les membres. On n'entre pas dans une église pour être enregistré. Ou bien pour, parce que mon papa était là. Parce que ma mère, toute ma famille est catholique, protestante, de telle église, tant de nations, non. Tu dois avoir une relation particulière avec Dieu par le canal de la nouvelle naissance. C'est pourquoi la Bible précise, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché originel, depuis Adam, lorsque la Bible nous parle de ça dans le livre de Romains, au chapitre 6, que nous allons vérifier, Paul explique de long en large, ce que c'est le chapitre 5. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix, au chapitre 5, Romains chapitre 5, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons, il ne dit pas par une religion. Mais les églises catholiques vont vous dire que c'est à part nous, vous ne pouvez pas entrer au ciel. C'est faux. C'est archi faux. Archi faux, rien à voir. C'est pourquoi on vous empêche. On vous dit là-bas que si vous lisez la Bible, vous serez fou, vous serez ceci. C'est faux. Il dit, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce? avoir accès à cette grâce d'être sauvé, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, les espérances ne trompent point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourait-on pour les injustes, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, par le sang de qui? Le sang de Jésus, pas par une religion. Alors je me demande, la religion où tu vas, est-ce que ce prophète a versé son sang? Est-ce que ce pasteur a versé son sang? Est-ce que ce gourou a versé son sang pour toi? À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? On rencontre une fois de plus le mot colère. La colère depuis Adam, il ne s'agit pas, la colère de Dieu ne se manifeste pas ici maintenant par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Couche avec 10 000 femmes par jour. Ça ne dit rien à Dieu parce que tu es né en enfer, tu es né étant perdu, tu es né séparé de Dieu depuis Adam. Ce qu'on appelle tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tu es né étant privé de la gloire de Dieu. Tu es né étant privé de la protection de Dieu. Tu es né étant privé du ciel. Tu es né, tu ne devais pas entrer au ciel. Aucun bébé ne peut jamais entrer au ciel. Ne peut jamais entrer au ciel si les parents ne sont pas sauvés. Du péché originel. Il dit, car si lorsque nous étions ennemis de Dieu, bien sûr, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le seul qui est ressuscité. Allez chercher à Jérusalem, la tombe est vide. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. On s'est réconcilié avec Dieu, parce qu'on était séparés. Tu n'y es avant de mourir. On a amené le corps. Peut-être, à la dernière minute, il allait à l'église. On l'a pris, on a trempé dans l'eau. Soit, pas même trempé, versé deux gouttes d'eau sur la tête. Ça ne suffisait pas pour son salut. Pas du tout. C'est pourquoi, verset 12, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. 4 points, point virgule, 3 points. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Tous ont péché. Je reprends cette lecture. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Est-ce que depuis Adam, jusqu'à nos jours, les gens ne meurent pas? Adam n'était pas destiné à mourir. C'est à cause de ce péché originel. C'est ce péché qui entraîne toute l'humanité. Tu meurs aujourd'hui, tu vas naître aujourd'hui, et tu dois mourir. Le gars commençait à avoir peur de la mort. Pourquoi? Cependant, la mort a régné depuis Adam, jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable. Pourquoi tu cites Moïse? Parce que c'est Moïse qui a amené la loi. Jusqu'à la loi de Moïse, jusqu'à ce que Dieu donne la loi à Moïse et que tout le monde observe cette loi jusqu'à ce que Jésus arrive. Les Hébreux, jusqu'à présent, beaucoup d'Hébreux, beaucoup de Juifs continuent à lire la loi, rejetant Jésus-Christ. Cette loi ne peut pas leur donner la vie. Les 10 commandements ne peuvent jamais te donner la vie. C'est pourquoi la Bible dit, la mort revient jusqu'à la loi au moment de la loi. Et la loi continue à vous condamner. Il dit, même ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, la mort a frappé tout ce monde-là. Le lien du péché originel, lequel est la figure de celui qui devait venir. Qui est la figure Adam avant le péché. Jésus-Christ arrive sans péché. Adam aussi n'avait pas de péché avant la chute. Mais il n'en est pas du don gratuit comme l'offense. Car c'est par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu est le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Le don de la grâce venant d'un seul homme, pas même avec Marie. Aujourd'hui, c'est Marie à gauche. Aujourd'hui, c'est Marie à droite. Un seul homme, pas avec sa mère. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Lors de la chute d'Adam, le péché a pénétré dans la race humaine comme un principe ou une puissance active. Deux conséquences sont apparues. Le péché et la corruption sont entrés dans le cœur et dans la vie d'Adam. Adam a transmis donc le péché à la race humaine, ce qui allait entraîner la corruption de tous les hommes qui naîtraient par la suite. Aujourd'hui, tous les hommes naissent avec une tendance au péché et au mal. Paul n'explique pas comment le péché d'Adam est transmis à ses descendants. Il ne dit pas non plus que tous les hommes étaient présents à Adam ce jour-là, le jour qu'il avait péché. Et qu'ils ont participé physiquement en disant à Adam, prends le fruit, mange. Mais ils ont hérité la culpabilité. Ils ont hérité la condamnation d'Adam. C'est ça le grand problème et la grande révélation. Ils sont donc coupables. Tous les hommes sont coupables devant Dieu à cause de leur propre péché, le péché adamique. Parce que tous ont péché, la seule doctrine que soutient la Bible affirme que les hommes héritent la corruption morale, une impulsion qui les conduit vers le péché et le mal. La racine principale proviendrait donc d'Adam. Et pour que ça soit détruit, cette racine, c'est seulement le sang de Jésus, lorsque tu le confesses. Romains chapitre 10. C'est pourquoi le gars a combattu contre cette histoire de loi. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, pour qui, pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Hein? Donc les Israélites à Sion ne sont pas sauvés. Mais regardez nos amis pasteurs qui vont là-bas. Les rabbins vous ramènent encore. Vous ramènent encore dans leur religion de loi. Vous revenez d'Israël avec des chichères sur la tête. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, et ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Hey! De tous ceux qui croient, pas ceux qui ont été baptisés, parce qu'étant bébé, ceux qui appartiennent à une religion, non, à tous ceux qui croient en lui. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra de l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est ça la prédication. Parce que on doit d'abord te parler du péché originel. Pas de ton vol, pas de ton mensonge. Ça viendra après. Mais on doit d'abord te parler de ton péché originel, de cette contamination originelle. Et que c'est le sang de Jésus qui a le pouvoir d'extirper cette condamnation. De te justifier. Et quand il te justifie, du coup, le Saint-Esprit a la possibilité de descendre dans ton corps. Et il commence à te convaincre de tes propres péchés que tu es en train de commettre. Il te convainc. Et puis, dès qu'il te convainc, tu es capable de les confesser. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouvelle. Parce que tu as donné ta vie, tu as reconnu que je suis un homme mort, séparé de Dieu. Je suis né dans le péché adamique et j'étais séparé de Dieu. Et j'invoque le sang de Jésus sur ce péché pour qu'il soit détruit. J'invoque le sang de Jésus sur les pratiques héréditaires de ma famille. Et tu commences aussi à les aligner ces pratiques, ces traditions, ces coutumes et autres. Que vous, vous Africains, vous appelez nos traditions, ce sont des traditions qui prennent racine sur le péché adamique. C'est pourquoi vous êtes perdus. La parole de Dieu, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. À la dernière minute, Johnny Hallyday était dans la confusion, malgré les tonnes d'argent qu'il avait. Toi aussi, tu seras dans la confusion, malgré les nominations, parce que tu cherches les nominations, tu entres dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses, tu finiras dans la confusion totale. Tu auras beaucoup d'argent, tu vas encaisser beaucoup de gloire, tu as signé des pactes, tu vas encaisser beaucoup d'argent, mais tu seras dans la confusion. Au moment où tu ne pourras plus, selon Ecclésiaste, qui le disait tout à l'heure, au moment où ces choses-là n'auront plus véritablement d'impact dans ta vie, au moment où tu vas dire, on te montre des millions d'euros, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin. Johnny Hallyday avait déjà ces terreurs. Monsieur qui m'écoute, ou bien c'est toi qui es déjà né de nouveau, et tu blagues avec Dieu, tu t'amuses avec Dieu. Tu es attaché aux choses du monde. Il y a des chrétiens qui sont déjà nés de nouveau, mais qui restent attachés aux choses du monde. Qui restent attachés à l'argent. Mais quel argent, quelle fortune, sa maison, 26 millions d'euros. Sa maison aux États-Unis, qu'il voulait vendre, 26 millions d'euros. Toi, tu as un petit appartement, peut-être 600 000 euros. Et tu prends la veste, tu mets sur la tête, tu dis tu as l'argent, tu as une petite vieille voiture. Mais Johnny Hallyday a laissé combien de marques de voitures qui coûtent cher. Il passait la commande pour que on fabrique. Mais il a laissé tout ça. Mais de nos jours, même les chrétiens restent attachés à l'argent, au luxe. Est-ce que tu seras enlevé un jour? Tu seras enlevé un jour, lorsque tu restes attaché, ça devient une idole pour toi. L'habillement, une idole. L'argent, une idole. Les richesses, une idole. Il dit, où la mendier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la cabre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Il retourne pour subir un jugement. Le diable te fait croire que oui, vous n'avez pas besoin de tout ça. Hein? Il y a la réincarnation, il n'y a pas d'enfer, c'est faux. Pourquoi il avait peur? Je vous pose la question, pourquoi il avait peur? Pourquoi il avait peur? La mort a donc attendu 10 ans avant de croiser à nouveau le chemin de Johnny Hallyday. Cette fois-ci, il l'a vu venir, se sachant déjà touché par un cancer au poumon. Selon le magazine Paris Match, qui publie aujourd'hui un numéro spécial dédié à l'idole des jeunes, l'époux de Laetitia Hallyday aurait été pris d'anxiété à l'idée de quitter ce monde. Il aurait été pris d'anxiété à l'idée seulement de quitter ce monde. la destination finale. C'est ça qui l'effrayait. Et toi, la poussière retourne à la terre. Ce verset montre la différence entre la partie de l'être humain qui reste au moment de la mort et la partie qui retourne à Dieu. Et ça, c'est important. Tout est vanité. Tout. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Les sages paroles de vérité venant du berger divin agissent comme des aiguillons, c'est-à-dire des bâtons pointus qui nous poussent sur le droit chemin et comme des clous qui accrochent la vérité dans notre esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu a infiniment plus de valeur que tous les livres produits par la sagesse humaine. Livres d'histoire, géographie, mathématiques. Vous avez des tonnes de livres chez vous à la maison. Mais vous ne lisez jamais la parole de Dieu. Crains Dieu et observe ses commandements. Le livre tout entier de l'Ecclésiaste doit être compris à la lumière de ce verset de conclusion. Salomon avait commencé par une appréciation cynique de la vie, disant qu'elle n'était que vanité. Il termine ici par un conseil sérieux sur la manière de trouver le sens de la vie, la crainte de Dieu. Quel autre homme pouvait écrire? Lui, il a eu toutes les richesses du monde. Il a compris que tout cela n'était que vanité. Reçois Jésus comme ton sauveur personnel. Ne commence pas par dire « je veux devenir bon, je veux laisser le péché ». Si tu commences par là, tu iras toujours en enfer. Et pour terminer, je vais t'amener à lire quelque chose. L'homme qui était bon selon la loi, il s'appelle Corneille. Il allait dans les églises, Actes chapitre 10. La Bible précise que cet homme priait beaucoup. Il allait dans les églises. Mais à la 9e heure, pendant qu'il priait, il y avait un homme à Césarée, un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute la maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Beaucoup de monde au peuple. Il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi. Il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Hein? Il s'en est souvenu, envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corrieur de la maison qui est près de la mer. Pourquoi Dieu prend soin d'envoyer Pierre chez ce monsieur? Pierre avait une mission. Il devait dire à Corneille ce qu'il devait faire. Et pourtant, selon la loi, Corneille avait grandi au milieu des Juifs. Dans une ville, il allait au temple prier avec les Juifs. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Il pourvoyait aux besoins de l'assemblée. Il donnait l'argent aux pauvres, aux minables. Il versait de l'argent à l'église. Il craignait Dieu, il priait, comme toi aussi. Mais ce Corneille n'était pas du tout né de nouveau. C'est pourquoi Dieu va dépêcher Pierre, lui parler de Jésus, pour que son âme soit sauvée de la malédiction adamique. La malédiction adamique. Voyons un peu. Écoutez-moi bien. Voici le rapport que Pierre va faire lorsqu'il a été repris par les anciens des Juifs. Pourquoi il est allé manger chez les païens? Nous sommes au chapitre 15, au verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous. Il n'a fait aucune différence, entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, Maintenant donc, Nous sommes au chapitre. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un grand débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie. Là, c'est pourquoi cette réunion a eu lieu. Et la Bible dit, arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église. Les apôtres et les anciens, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns des partis des pharisiens, qui avaient cru, s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme en nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, donc, Jacques prend la parole, qui était le chef de cette église. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se sont convertis à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Voici comment donc le problème sera résolu. Nous voyons que l'observation de la loi de Moïse, de la loi des 10 commandements, de la loi de Moïse, est différente du salut. Donc dans le salut, il faut d'abord au préalable que le péché, le salut qui amène la destruction du péché originel. Et quand on pose la question à quelqu'un, comment tu as fait pour devenir enfant de Dieu, tu diras, c'est parce que j'observe les 10 commandements. Mais c'est faux. C'est absolument faux. Relisez ce texte, vous allez comprendre. C'est après avoir été sauvé que l'on a déjà reçu la destruction du péché originel en invoquant le nom du Seigneur, en invoquant le sang de Jésus sur le péché originel que toi tu dois identifier toi-même, qu'il existe dans ma chair, dans mon sang. Donc j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le nom de Jésus, ça veut dire le sang de Jésus et la résurrection de Jésus. Et c'est en ce moment-là que ce péché est détruit. Et tu commences donc à lire la parole de Dieu. Pas à lire, à être enseigné. Parce que les premiers chrétiens dans l'église primitive ont commencé à être enseignés. Actes chapitre 2, verset 41. Tous ceux qui acceptaient sa parole, il n'est pas dit tous ceux qui l'ont suivi dans sa religion. Tous ceux qui ont accepté sa parole, dont la bonne nouvelle du salut, persévéraient dans l'enseignement, dans la fraction du pain et dans les prières. Avant de prier, il faut d'abord être sauvé. Avant de prier, il faudrait d'abord être sauvé du péché originel, de toutes les malédictions. Et après, dès que tu es sauvé du péché, je dis, commence donc à confesser tes propres péchés et à prendre la résolution de ne plus les commettre. C'est pourquoi ils ont écrit cette lettre. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon au Saint-Esprit, il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, homme considéré entre les frères, ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours. Comme la plupart de ceux qui viennent vous troubler avec leur discours sur Internet, sur ceci, ils racontent des bêtises. Et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer autre charge que de celui de ce qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, des choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Voici comment donc vous devez recevoir le Seigneur. Et si vous êtes touché, que vous voulez recevoir le Seigneur avec moi, vous vous mettez à genoux là où vous êtes. Vous dites, Seigneur, j'ai été touché. Parce que Actes chapitre 2, verset 37 dit, après avoir entendu ces discours, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre, aux autres disciples, hommes frères, que ferons-nous? Alors tu te poses la question maintenant. Hommes frères, qu'est-ce que je dois faire? La réponse de Pierre était claire. Pierre dit, repentez-vous. La repentance ici, il ne voulait pas parler du péché qu'ils ont commis le matin. Il voulait parler tout simplement de l'existence d'un péché que eux-mêmes pouvaient identifier. Et comme ils étaient déjà à Jérusalem pour aller prier, ayant ce péché dans le corps, et ta prière devient une abomination devant Dieu. Tu es séparé de Dieu et tu pries comme quelqu'un qui est en prison. Il crie, crie. Il demande la grâce présidentielle. Le président est au palais. Il ne te voit pas, il n'entend pas. Et toi, tu cries étant en prison. L'humanité est une prison pour tous les hommes qui vivent sur cette terre sont en prison, sont fils de Satan. Dit la Bible. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Sont fils de Satan. Alors comment tu vas crier pour que tu sois entendu par le chef? Il ne peut pas t'entendre puisqu'il ne te voit pas, il ne te connaît même pas. Dieu ne te connaît pas. Tant que tu n'es pas né de nouveau, Dieu ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. C'est quand tu es né de nouveau maintenant, comme ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème. Nicodème était un grand docteur de la loi, comme un pape, les archevêques, tout ça. Mais Jésus-Christ va dire à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. C'est pas en observant les 10 commandements. C'est pas en... Tu appartiens bien sûr à une religion. On dit les 3 grandes religions du monde. Mais Dieu n'a rien à faire avec des religions, s'il vous plaît. Satan est tellement religieux, c'est lui qui envoie des religions. Il crée des religions pour détourner les gens du vrai chemin. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, je vous dis une vérité. Ceux qui ont créé des religions sont les prophètes de Dieu, mais ne sont pas des sauveurs. Il faut au préalable être sauvé. Ils ne sont pas des sauveurs. Il faut au préalable être sauvé. Et pour être sauvé, reconnais que je suis né avec le péché originel. Et Dieu a mandaté une personne. Pas une personne. Dieu est descendu dans le monde. La parole de Dieu s'est faite chair. Jean chapitre 1er. L'évangile de Jean, tout le chapitre. La parole de Dieu s'est faite chair. Dieu a porté la chair, pourquoi? Parce que il voulait avoir un sang pur, un sang qui n'est pas contaminé, C'est pourquoi, voilà la raison qu'il va descendre dans le monde pour porter la chair, pour avoir le sang, un sang pur. Parce que les chèvres, les moutons, leur sang, selon Romains chapitre 8, la créature avait aussi été maudite. La malédiction est dans le sang de tous les animaux que vous vous égorgez aujourd'hui, chez les féticheurs, chez les marabouts et autres. Même le sang de ces animaux-là est absolument rempli de la malédiction adamique. Tout ce qui a été créé a été condamné. Genèse chapitre 3, au verset 16, verset 17, à partir du verset 15, verset 16, verset 17, verset 18. Vous allez voir, lisez. Vous allez comprendre que tout est sur la terre. C'est pourquoi, c'est la raison qui avait poussé le Seigneur, Dieu, à descendre. Dieu descend dans le monde. Emmanuel, Dieu avec nous. Dans l'Ancien Testament, il est dit Emmanuel. C'était l'hébreu, c'est-à-dire Dieu révèle à Isaïe que je vais descendre dans le monde. Emmanuel, Dieu avec nous. Il descend dans le monde. Il entre dans le ventre d'une femme. Sa parole qui s'est faite chair. Il voulait avoir un sang qui peut laver notre sang, qui est pur, sans péché originel. Alors si tu l'invoques, quiconque invoquerait le nom du Seigneur, pas une religion, invoquerait le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pourquoi Pierre dit, répentez-vous. Répentant, si je reconnais que je suis séparé de Dieu, même si je dors à l'église, même si j'appartiens à une église, même si j'ai reçu mon baptême étant bébé, j'ai reçu ça, je fais des œuvres comme Corneille, je donne de l'argent, je fais ceci. Non, Dieu ne te connaît pas, tu n'as même pas le Saint-Esprit. Car Corneille, pendant qu'il priait, au chapitre 1er, 2 et 3, il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il reçoit le Saint-Esprit quand Pierre arrive chez lui, à partir du verset 35, chapitre 10, Actes chapitre 10, à partir du verset 35, jusqu'à la fin. C'est en ce moment-là que Corneille reçoit le Saint-Esprit. Pourquoi il n'avait pas le Saint-Esprit auparavant? Et pourtant, il priait. Prier ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit. On prie par habitude, par coutume, parce qu'on voit les autres prier. Mais est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Donc, confessez maintenant avec moi. Vous levez les mains, vous vous mettez à genoux, vous dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu cet homme qui a parlé. Il a annoncé la bonne nouvelle du salut. Délivre-moi du péché originel. Je reconnais qu'il est dans mon sang. Je reconnais que la malédiction adamique, Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, 16, 17, est dans mon sang. Et que la terre m'est maudite à cause de ce péché. Je suis né dans ma famille, dans le ventre, je suis entré dans le ventre de ma mère avec ses péchés. Délivre-moi de ses péchés. Délivre-moi de cette malédiction. Tu commences aussi à lui confesser les péchés de ta famille, les pratiques idolâtres. Toutes ces pratiques de coutumes, traditions et autres. Même s'ils sont athées, ils ne croient pas en Dieu, c'est déjà une malédiction dans votre famille. Se déclarer athée, c'est une malédiction dans votre vie. La plupart le disent ici en Europe, moi je suis athée. Il pense que c'est une bonne chose. Regarde la fin de cet homme, Johnny. Reçois le Seigneur. Invoque son sang. J'invoque le sang de Jésus dans mon sang. Le nom de Jésus ouvre le ciel pour moi. Prends la malédiction adamique. Seigneur Jésus, prends la malédiction adamique qui était sur moi. Prends cette malédiction sur toi. Prends les malédictions qui sont descendues sur mes parents, mon père, ma mère. Prends cette malédiction, je suis né avec ça dans mon sang. La vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. 1 Pierre chapitre 1er verset 18. Et après ça, tu commences à confesser aussi tes propres péchés. Tu dis, Seigneur, voici ce sont mes péchés. Pardonne-moi, lave-moi par la puissance du Saint-Esprit. Et tu achèves cette phrase en disant à Jésus, écris mon nom dans ton livre de vie. Écris mon nom, qu'il écrive ton nom dans son livre de vie. Ça veut dire que tu es sauvé, tu es une nouvelle créature. Et tu dois le faire avec la foi, croire que ce que tu viens de faire, tu es sauvé. Ce n'est pas un acte que tu vas ressentir physiquement. Mais le Saint-Esprit commence à invoquer le sang de Jésus sur toi. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et si tu invoques le sang de Jésus sur toi, tu ne dois donc pas, dès que tu finis cette prière, tu dis, Satan, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Démon, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Sorcier, sorcellerie, vous n'avez plus de pouvoir sur moi. J'ai invoqué le nom de Jésus, le sang de Jésus, je suis sauvé. Maintenant, il faut aller prier avec ceux qui ont fait la même chose comme toi. par ceux qui ont reçu deux gouttes d'eau sur la tête. Et c'est là où Satan a réussi aussi à maintenir beaucoup en enfer. Beaucoup confessent comme ça, ils rentrent de nouveau dans les églises mortes, où on ne fait pas ça, où on reçoit le baptême étant bébé. Ils disent, c'est la église, parce que j'ai honte, tu as honte d'écrit, de qui? De Christ, tu iras en enfer. C'est pourquoi le numéro qui est affiché au bas de votre vidéo, il y a aussi le séminaire qui est annoncé ce dimanche-ci. Ce dimanche 21, sur cette adresse, 47 avenue du Général Delanne à Domont, vous venez. Il y aura des actes prophétiques qui seront posés. Des choses essentielles pour ta vie. Des choses, je dis bien, essentielles pour ta vie. Des prières de délivrance. Tu viens donc à Domont. D'abord vendredi soir, 18h. Ou bien dimanche, et c'est dimanche qu'il y a donc l'apothéose. Ne reste pas à la maison. Tu quittes, tu viens. Ça sera des actes très prophétiques par la puissance du Saint-Esprit. Tu verras ce que Dieu va faire. Il faut s'abonner sur cette chaîne télévision, sur cette chaîne sur YouTube, Temple des Nations. Il faut s'abonner. Tu cliques seulement. À chaque fois qu'il y a des envois des vidéos, tu es le premier à recevoir pour être édifié. Ne reste pas à la maison après avoir confessé avec moi. Viens au temple. Si tu habites Paris les environs, viens au temple. Si tu habites l'Afrique, tu appelles. Vois, moi je veux. Je viens de recevoir le Seigneur. Parce que là, je suis devenu ton père spirituel. Je viens de recevoir le Seigneur parce que vous aviez expliqué. Même si tu allais déjà dans une église, mais si tu n'avais jamais entendu qu'on a prêché sur l'existence du péché originel avant d'aller recevoir le baptême, même si tu avais reçu le baptême dans l'eau, ce baptême n'est pas utile pour toi. Parce que tu n'étais pas né de nouveau. Corneille aussi a fait la même chose. Il n'était pas né de nouveau. Jusqu'à ce qu'il rencontre Pierre, qui l'amène et reçoit le Saint-Esprit. On va prier aussi pour la réception du Saint-Esprit. Et sur les autres vidéos qui vont enseigner la suite de ce qui est dit, qui a été dit aujourd'hui, il y aura une suite. Cette vidéo n'est pas comptée parmi les vidéos des jours de prière, s'il vous plaît. Pour ceux qui nous suivent depuis le premier jour de prière, nous étions déjà au 10e jour de prière, mais cette vidéo n'est pas comptée. C'est une vidéo qui parle de la nouvelle naissance. Ça t'enseigne aussi toi-même, afin de ne pas continuer. Donc attendez la vidéo numéro 11 qui va arriver, parce que nous sommes déjà à 10. Attendez la vidéo numéro 11 pour les prières. Je précise d'attendre la vidéo numéro 11 pour les prières. Ce n'est donc pas la vidéo numéro 11, mais attendez cette vidéo qui va arriver d'ici demain. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que j'avais à vous dire. 12 novembre, hospitalisé en urgence dans une clinique parisienne suite à une détresse respiratoire jaunie. Un jour, je devais je me mariais. Quand tu te mariais. Oui, papa. Voilà encore un autre python. That is another python. Quand tu rêves que tu te maries, ça veut dire que tu te maries avec un python. You dream that you are getting married. You are même getting si tu vois l'homme ou tu ne vois pas l'homme, whether you see a man or you don't see the man, c'est déjà le serpent. It's already the il y a snake. Eu alliance. There's covenant. L'alliance, mon alliance, c'était un serpent. Hey. On a ouvert la bouche du serpent, on a mis la queue. Ah. On a mis sur mon doigt. On a ouvert la bouche, je sais pas, on a mis they sa queue. On a mis snake. Sur ton doigt. Oui, papa. Voilà le and rêve qu'elle fait. The and they put in my finger. L'alliance sur le doigt était quoi? Le serpent. The engagement ring on my finger. C'est-à-dire, was what? On a fait le rond, the on a snake. Pris la queue du serpent. They on a ouvert sa bouche, on a mis la queue. They et on, ça devient ronde. The on met sur son doigt. Un petit serpent. Voilà l'alliance sur le doigt. Culte spécial ce dimanche 21 janvier 2018 au Temple des Nations Paris, situé au 47 avenue du Général Delanne, 95 330 Domont. Au programme, destruction et brisement des alliances des esprits de pauvreté et des eaux qui attirent pauvreté, célibat, stérilité dans ta vie. En voici quelques signes. Tu connais des séparations momentanées avec ton conjoint. Tu as eu des couches de nuit pendant que tu étais enceinte. Tu connais des mariages retardés. Une haine pour ton mari. Tu n'as pas d'intimité sexuelle avec ton partenaire. Tu vis en Europe et travailles pour ta famille restée en Afrique. Ta paume de main démange sans cesse. Tu connais une colère excessive. Ce culte te concerne. Où que tu sois, descends au temple des nations Paris. Recevoir une onction d'huile sur ton doigt en signe d'alliance. La sorcellerie va ainsi sortir de ton corps. Contact plus 33 64 39 89 224. Orateur principal, Dr. Martin Essomba, visionnaire des temples des nations. Et un jour,